Comprenez-vous mes droits maintenant? Votre époux, belle dame, m'a privé de mon bonheur, de la seule joie que j'ai eue depuis mon veuvage. Oui, si je n'avais pas eu le malheur de rencontrer ce vieux Roquentin, je posséderais encore Josépha. Car moi, voyez-vous, je ne l'aurais jamais mise au théâtre. Elle serait restée obscure, sage et à moi. Oh, si vous l'aviez vue il y a 8 ans, mince et nerveuse, le teint doré d'une Andalouse, comme on dit, les cheveux noirs et luisants comme du satin, un œil à longs cils bruns qui jetait des éclairs. Une distinction de duchesse dans les gestes, la modestie de la pauvreté, de la grâce honnête, de la gentillesse comme une biche sauvage. Par la faute du sieur Hulot, ses charmes, cette pureté, tout est devenu piège à loup, chatière à pièces de 100 sous. La petite est la reine des impures, comme on dit. Enfin, elle blague aujourd'hui, elle qui ne connaissait rien, pas même ce mot-là. En ce moment, l'ancien parfumeur s'essuya les yeux où roulaient quelques larmes. La sincérité de cette douleur agit sur Madame Hulot, qui sortit de la rêverie où elle était tombée. « Eh bien, madame, est-ce à 52 ans qu'on retrouve un pareil trésor? À cet âge, l'amour coûte 30 000 francs par an. J'en ai su le chiffre par votre mari. Et moi, j'aime trop Célestine pour la ruiner.